Libre-Échange, Sylvain Blondin. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour de nouveau de retour sur nos plateaux de Libre-Échange. Que je ne rappellerai jamais assez, Libre-Échange qui est repris aujourd'hui par Van Castration. La petite dernière, c'est, on lui fait un petit coucou, un petit bonjour, qui est Radio Avalon, donc dans le secteur de Lyon, voilà un petit peu. Aujourd'hui, eh bien, Libre-Échange parle de la santé. On parle de la santé, un domaine que on a pour moi pas assez encore parlé, c'est le domaine de la santé, santé dentaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même dans les prescriptions, je vais dire, mondiales de la santé, on parle du dentaire, on dit, bah oui, mais déjà, savoir pouvoir manger, avoir accès à l'alimentation d'une façon normale, vais-je dire, déjà pouvoir mastiquer, bien manger comme il faut, eh ben ça limite certains troubles gastriques, digestifs, voilà un petit peu. Et en la matière, aujourd'hui, je reçois Monsieur Marc Aimé, qui est le président qui représente la Confédération nationale des syndicats dentaires. Oui, bonjour, docteur. Bonjour. Alors, je ne suis pas président de la Confédération, mais je suis président du syndicat qui est affilié à la CNSD, Confédération nationale des syndicats dentaires, effectivement, qui regroupe ici la CNSD 54 en Meurthe-et-Moselle, regroupe 340 à peu près dentistes sur 500. Sur 500, donc c'est représentatif. Et au niveau national, la CNSD représente un peu plus de la moitié des chirurgiens dentistes, c'est-à-dire on est un peu moins de 40 000 et nous, on a été élus représentatifs sur des élections qui ont lieu en 2010. Voilà. Alors, les auditrices, les auditeurs se disent, en France, les dentistes... C'est cher. C'est déjà ça. Parce que ça permet de bien manger, mais c'est cher. C'est pour ça qu'on en parle, voilà. Ouais. Oui. C'est la réalité ou est-ce que oui, bien sûr, c'est la réalité et on en parle en ce moment. C'est la réalité parce que la sécurité sociale se désengage depuis 25 ans de manière constante et ça fait augmenter ce qui reste à charge pour les gens. Et il y a un différentiel entre tous les plombages, tous les soins que vous avez chez le dentiste qui sont pas chers, contrairement à ce qu'on croit, et puis tout ce qui est prothèses, tout ça qui est cher. Et on a eu, il n'y a pas longtemps, une campagne médiatique avec 60 millions de consommateurs et des gens derrière. Pour rappeler ça et refaire encore le buzz là-dessus. Alors, entre les ophtalmos, les dentistes... Tout est cher, mais le dentiste aussi. Alors, sérieusement, il y a vraiment un gros décalage. Et la CNSD, alors moi, je l'appelle là, puisque c'est la Confédération, oui. Souvent, les gens disent le CNSD. Oui. La CNSD, elle s'engage beaucoup pour essayer de réduire ça. Alors on n'est pas, on fait pas du caritatisme ni quoi que ce soit, mais on essaie toujours d'aller dans le sens du social. Et le social fait que c'est criant maintenant, on peut pas, c'est trop cher. Il y a un trop fort décalage. Mais ça c'est dû aux soins qui sont pas assez chers du c'est tout. C'est pour ces raisons. Il faudrait les doubler ou les tripler. Tourisme médical. Voilà. Et c'est pour ça que on a aussi des dentistes qui sont pas assez en zone rurale. Parce que il y a pas toujours, il faut de la rentabilité pour le dentiste. Le médecin, il va avoir sa consultation à 23 euros et c'est tout basé sécurité sociale, etc. Pour comparer, si on avait le même genre de rémunération d'exercice, le dentiste faudrait qu'il fasse que des soins. C'est-à-dire tout ce qui est à la sécu, que vous payez pas le détartrage, le plombage, tout ça. Mais dès que vous avez autre chose que des soins, eh ben, c'est plus opposable et c'est pas comme le tarif de la consultation à 23 euros. C'est depuis les années 80. C'est la Sécurité sociale qui nous dit, ben, vous pouvez prendre de l'entente directe parce que nous, on n'est plus capable de payer comme il faut, depuis les années 80. Mais depuis ce temps-là, ben, ça n'a quasiment pas bougé. Alors, ça a un petit pour donner je veux dire, un ratio, un chiffre, en 1988, le remboursement il était de quel ordre ? De la Sécurité sociale, la part sociale. De la Sécurité sociale dans le dentaire était de, on va dire, 40-50%. Voilà. Et maintenant, ça a diminué. Et aujourd'hui les 20% ont été grignotés et repris par la mutualité. Et maintenant, ils sont en dessous de 30%. Ils sont à 25-27%, la Sécu. Oui. Et la mutuelle, elle a pris plus que le tiers. Donc, elle a augmenté. Et c'est elle qui paye, hein, même si elle est chère à payer. Et l'assuré social, le patient, le malade, eh ben, voilà, c'est lui qui trinque. Derrière. Et qui est derrière et qui est obligé de payer. Alors, voilà. c'est pour cette raison, ce qui explique pour nos auditrices et nos auditeurs un petit peu, on parle des dépassements d'honoraires pour qu'ils comprennent, parce que ils disent le dépassement dentiste. Nous on n'est pas d'accord, parce que c'est les secteurs 1, 2, 3, etc. Les secteurs chez les médecins, c'est des choix du médecin de travailler d'une façon ou d'une autre avec ou sans dépassement. Nous le dentiste, il n'a pas le choix, c'est-à-dire on lui dit depuis les années 80, on lui dit de toute façon vous prendre des dépassements parce qu'on ne peut pas vous payer assez uniquement sur la prothèse. Mais ça c'est des coûts, c'est des économies, c'est-à-dire pendant ce temps-là la sécu elle met moins d'argent et elle a, enfin c'est technique, elle a séparé les bases de remboursement, on appelle ça chez nous des lettres clés, donc tout ce qui est prothèse elle a mis à part ces sous qu'elle met dedans, et les sous qu'elle met dedans elle les a jamais réévalués, augmentés. Tout ce qu'elle a un petit peu augmenté c'est les soins opposables. D'accord, au niveau les soins opposables d'un cabinet dentaire, tout ce qui est plombage et tout, ça fait les charges. Oui. Du cabinet dentaire. Les charges, pareil, alors, depuis 25 ans, les charges d'un cabinet dentaire. L'investissement, c'est à peu près 120 000 euros. Ça dépend de ce que vous mettez. Par rapport à un médecin généraliste, c'est 5 000 euros en gros. Hein, donc, c'est quand même important. C'est pour les charges d'un dentiste, depuis 25 ans, elles sont passées de 30-40% à 60-70%. Oui, effectivement. Ça parle, hein. Effectivement. Et c'est pour cette raison, on parlait des remboursements, des prises en charge de la Sécu, prises en charge des assurances complémentaires, qu'aujourd'hui, il y a une augmentation du tarif de des assurances complémentaires de plus en plus importante tous les ans qui écarte 80 euros par mois, 50 euros par mois, ça dépend ce que vous avez, ça dépend aussi dans quel, où vous travaillez. Quand vous avez des gens qui sont dans des grosses entreprises, c'est le minimum qu'on puisse dire, EDF, etc., Gaz de France, ils ont des mutualisations de complémentaires qui font qu'ils ne payent pas autant. Il y a des choses qui sont prises en charge et ils ont des garanties énormes. Alors, j'ai quelqu'un à EDF qui a eu un reste à charge pour, on va dire, 2500 euros sur un devis. Il a eu 30 euros de sa poche. Ah oui. C'est très peu fréquent, quoi. Le plus souvent, vous avez des donc il y a quand même d'énormes inégalités. Il y a aussi des inégalités là-dedans, quoi. C'est sûr. Hein. Alors, aujourd'hui, le but, on va parler de la désertification médicale, mais aussi, puisque nous sommes dans le coût, dans les frais dentaires, le tourisme dentaire. Moi, je vois, par exemple, sur la Tunisie, qui aujourd'hui sont en risque parce que... Hongrie, Tunisie, Roumanie. La Roumanie. Égypte. Également le Maroc, également... Voilà. Nous avons en Hongrie qui a été les premiers en la matière. Facile en Hongrie parce que c'est plus proche, bien sûr. Il y a la proximité, l'Europe. Puis prise en charge beaucoup plus facile par les caisses d'assurance sécurité sociale, notamment. Enfin, alors, faudra me couper, je vais essayer d'être bref. Mais comment ça se passe ? Eh bien, ils n'ont pas les mêmes charges et les mêmes contraintes que chez nous. On parle des normes, on parle des contraintes. Quand on est, vous avez dit, les dentistes, qu'est-ce que c'est ? On n'a pas dit qu'ils étaient conventionnés à 98%, quasiment tous. Ils sont libéraux à plus de 95%. Ceux qui sont salariés, c'est justement les centres de santé dans les mutuelles et les centres à la sécurité sociale, dans les caisses de sécu. Ils ont des dentistes aussi, pas toutes, mais beaucoup. Et il y a des contraintes, et il y a des charges, et il y a des choses à faire. On a des obligations qui augmentent, on a des obligations de radioprotection, enfin il y a des tas de trucs, quoi. D'où mon propos des charges, qui sont passées de 30 à 40 à 60, 70. Donc ça en fait partie. Il n'y a pas ça en Hongrie ou ailleurs, en Égypte. Quand vous partez en vacances... et que c'est presque des fois avec les offres moins cher une semaine à l'extérieur qu'une semaine chez soi. Eh ben voilà, c'est pareil. C'est oui, la même plus, chose. Eh oui. Et moi, je j'ai rien à dire là-dessus du côté du consommateur, du côté du client, du côté du patient. J'ai qu'une chose à dire au niveau médical, c'est que c'est un peu plus dangereux, entre guillemets, parce que le suivi... Faudra y retourner. Faut y retourner. Alors justement, moi j'ai vu certaines situations où certains dentistes ont dit, écoute, voir, cher patient, t'as été te faire soigner là-bas, t'y retournes. Je te prends pas. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque alors chose ça, c'est que... quelque chose qui est pas trop condamnable parce que ça dépend des situations. Je me fais un peu l'avocat mais, du diable. Ouais, alors il faut revenir un peu en arrière. Ouais. Quand on va se faire soigner en Hongrie ou en tourisme médical, comme on l'appelle, le plus souvent c'est pas des soins dentaires. Comme on dit, c'est des implants, des prothèses, des bridges complets, des travaux très importants. Oui, des gros travaux. Le plus souvent, ce sont des implants. Ce sont des implants. Donc des techniques pointues, très coûteuses, etc. Et c'est pour ça que, comme c'est très coûteux, il y a un différentiel qui est plus intéressant. D'un point de vue main d'œuvre, quand on vous a fait quelque chose oui. qui est complet, on vous a refait toutes les dents. Oui. Et quand il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce que vous faites ? Chez le dentiste, c'est pas comme, tout à fait comme la voiture. On est obligé de tout défaire pour refaire tout. Donc, le coût est énorme. Donc, le dentiste qui voit arriver ça en France, il va dire, écoutez, moi, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc, il peut tout déposer, tout refaire. Mais il faut payer. Donc souvent, les gens ne sont pas non plus trop d'accord. Ils ne comprennent pas. Et on se met à leur place, c'est normal. Donc voilà. Alors, le suivi est très délicat, très difficile. Ça pose vraiment Est-ce qu'il y a des risques d'un point de vue... Moi, j'ai des questions qui nous arrivent, justement, notamment. Qu'il existe des risques sanitaires? Il y a de tout. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est pas bien fait? Ben oui. La qualité des matériaux? Est-ce qu'il y a des équivalences par rapport à nous? Il y a de tout. Et il y a effectivement des problèmes. Et l'ordre national chez nous des dentistes s'est inquiété de la chose et s'est saisi de la chose parce qu'il y a des problèmes de réalisation. Quand vous allez faire... Alors, je vous donne une image, mais pour un implant, il faut 4 mois à 6 mois pour qu'il se soit bien pris dans l'os. On dit ostéo-intégré. Oui. Quand vous faites du tourisme médical, vous restez 4 mois, vous partez, vous revenez 6 mois après. En général, je vous laisse regarder, en général, non. Ouais. C'est 15 jours. Donc voilà, vous avez la réponse. Est-ce que ça je s'adresse... un petit peu polémique, mais c'est non, pas non, tout comme ça. Non, non, mais il faut justement, au contraire, voilà. C'est le but de Libre-Échange, ouais. C'est d'informer nos auditrices et nos auditeurs de ce qui se passe, voilà. De la réalité, ouais. Parce que bien souvent, alors, Jacques a dit... Pour ne pas non plus uniquement casser du sucre, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Et il y a de plus en plus de tourisme... Alors, ces centres-là sont souvent des grosses structures, un peu comme les low-cost chez nous, mais le low-cost, si vous voulez, le tourisme dentaire, ça va être le low-cost à l'étranger, hors France. Voilà. Mais ce sont des structures plus financières que médicales, très souvent. Alors moi, je vois. Et donc, ils gèrent des dentistes qui sont salariés, ouais. Un peu comme un centre mutualiste. Hein. Oui. C'est une structure financière qui emploie des dentistes salariés. Oui, et puis qui gagnent un salaire supérieur parce que moi, alors, je rappelle les salaires là-bas. La mutualité française, c'est tout à fait différent parce qu'ils ont une philosophie, ils ont une politique tout à fait humaniste et ils font ça pour assurer un service. Ce n'est pas du tout fait dans le même esprit. Ils ont des tarifs qu'ils cherchent à limiter au maximum. Voilà. Donc, ils ne sont pas là pour faire du blé, pour faire du fric, pour parler vulgairement. Oui, ouais. Alors que les low cost, c'est des centres financiers. C'est un peu à but associatif, vais-je dire, mutualiste, voilà. Qui veut dire que ça revient de moins cher. Le principe est le même, c'est-à-dire que c'est une structure à argent qui emploie des dentistes salariés et qui est là pour faire de la rentabilité. Et c'est surtout vrai pour les low cost en France. Mais à l'étranger, c'est un peu le même principe. Donc, ils font des choses. Alors, la différence, c'est qu'à l'étranger, vous y allez pour vous faire faire. Souvent, la démarche, vous avez beaucoup de soucis. Oui, et on vous a dit que ça allait coûter le prix d'une bagnole en France. Donc, vous allez faire des économies. 10% beaucoup, ça fait beaucoup. Même voilà. Beaucoup plus. Mais, alors, donc, ils sont en train de plus en plus d'assurer un retour. Et ils ont compris la problématique. Hein. Oui. Ils sont pas sots. Et ils ont des dentistes référents en France pour essayer d'assurer ce suivi. Donc, derrière, ce que je dis va peut-être devenir faux dans les années qui viennent, c'est-à-dire que le suivi sera beaucoup moins difficile. Alors, cette évolution des choses, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne évolution, hein? Puisque nous sommes sur l'Europe, nous allons entrer dans les élections européennes, alors, parlons-en. Pour nous, je pense que pour nous et pour le malade, les patients c'est une très mauvaise évolution, juste en un mot, parce que le commerce remplace le patient, le client remplace le patient. Et dans des structures comme ça, ce n'est pas le... Alors, nous, les dentistes en France, oui, qu'ils soient salariés ou peu importe, ouais. on assure une santé publique. D'ailleurs, on est obligé. On a l'ordre, on est réglementé, etc. Donc, on doit soigner les enfants, soigner ceux qui ont besoin d'un plombage ou d'un détartrage et pas de prothèse avec le prix d'une voiture. On soigne tout le monde. C'est déjà de faire la prévention, je le rappelle. Et donc, eux, ils ne font pas ça. Exactement, on fait aussi la prévention. Voilà. Il y a des examens. Alors, la Sécu, elle s'en est un tout petit peu chargée de ça. Ça vient. Prévention, voilà. Mais la prévention, profession s'en est chargée depuis 1966. Ouais. Quand vous voyez le petit sourire jaune qui s'appelle UFSBD, qui ne fait pas que des bonnes choses, mais qui en fait une très bonne depuis 1966, ils sont à l'OMS, l'UFSBD, l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Et ils font du travail de prévention qui est énorme, qui a été énorme et qui a porté ses fruits. Et on a beaucoup de résultats là-dessus. Alors, puisqu'on a beaucoup de personnes qui nous écoutent, et notamment des enfants et des parents, bien évidemment, donc si on a un conseil à leur donner en prévention, le brossage 3 fois, 4 fois par jour. Il y a deux armes fatales contre la carie et pour avoir de bonnes dents, c'est la brosse à dents. Et puis aller chez le dentiste une fois par an minimum. Voilà. Une fois que vous avez fait normalement ça doit aller. La brossette interdentaire, le fil dentaire, c'est les États-Unis. États-Unis, ils aiment bien le fil dentaire. Nous, on est plus brossette interdentaire. Et tout récemment, je vous livre un scoop. Allez-y. Il y a quelques semaines, il n'est plus nécessaire. Et obligatoire de se brosser trois fois par jour, mais deux fois bien fait, ça suffit. Un matin, voilà, et soir. Un matin et soir. Voilà. C'est ce que j'ai entendu. Donc ça devient abordable. Oui, oui, oui, absolument. Voilà. Et puis bon, effectivement, abordable, comme vous le dites. Alors je vais revenir un petit peu dessus. Donc en France, 40 000 chirurgiens dentistes. On parle chirurgiens dentistes, donc dont 95%, je rappelle le chiffre, travaillent en profession libérale. Le reste, ce sont des professions salariées. Des centres de mutuelles. Et en général, mutuelles. Mais nous avons, par exemple, en milieu hospitalier, nous avons des chirurgiens dentistes qui font des grosses opérations. En milieu hospitalier, on a, je crois que c'est une vingtaine ou une cinquantaine de chirurgiens dentistes, praticiens. Alors, sur la France mais je parle de praticiens hospitaliers, je ne parle pas des enseignants. Oui, parce PH. Que souvent, on mélange l'enseignant hospitalier avec le praticien. Il y a beaucoup de médecins odontologistes sont en milieu hospitalier. Des chirurgiens dentistes, il y en a peu. Parce que vous savez, faut rappeler aussi aux auditeurs qu'il y a une petite partie du dentaire qui est faite par des médecins stomatologistes, c'est-à-dire une spécialisation de la médecine. Ça existe aussi. Hein. Mais ce sont surtout eux qui sont en milieu hospitalier. Les chirurgiens dentistes, il n'y en a pas énormément. Il n'y a pas beaucoup d'appui hospitalier pour la chirurgie dentaire. Il y a des centres de maxillofacial, souvent on appelle ça comme ça, mais les gardes, par exemple, sont essentiellement effectuées par des chirurgiens dentistes en milieu libéral. Le d'accord. Dimanche matin. Donc, il y a des conventions qui sont passées. Comment que ça se passe? Il y a des conventions avec l'hôpital qui sont passées pour assurer les gardes, pour les urgences. Les gardes, ce n'est pas des conventions, c'est une obligation réglementaire. Et c'est l'ordre, quasiment partout, qui s'occupe de gérer ça. Et il y a, au minimum, partout en France, le dimanche matin, certains départements font aussi le dimanche après-midi, ça dépend des zones, des surfaces. Il y en a qui font des gardes aussi, vous savez, des départements où il y a du tourisme important, que ce soit la neige ou la mer. Pas médical. Ils font... pas médical pour le coup, et ils assurent le suivi de ce tourisme-là, et ils étendent un petit peu les gardes pendant les vacances, où les confrères sont pas assez nombreux pour répondre à la demande touristique. Alors, je tiens à excuser aujourd'hui l'ordre des chirurgiens dentistes, dont le président c'est Franck Lefebvre, qui malheureusement on n'a pas. On peut pas tout faire. Voilà. On peut pas tout faire, il a assez pris, puis il m'a dit bon, bah, ça nous concerne pas assez. Ben, je pense que ça les concerne quand même c'est beaucoup. Que, bon, moi, on aurait aimé savoir. Je suis un petit peu un ovni dans ce milieu-là, comme tous ceux qui font du syndicalisme dentaire. Ouais. Oui, mais on aurait bien on a énormément avoir. De temps pris et on en donne beaucoup, mais tout le monde ne peut pas en donner. Et quand vous êtes à l'ordre, alors en plus, mon confrère Franck Lefebvre est aussi à la caisse de retraite, secrétaire général. Donc on a des charges. Souvent, on fait pas mal de choses et on n'est pas très nombreux. Hein. Et la loi nous a imposé récemment avec les élections URPS, qui est une sorte de représentativité multisyndicale. C'est comme si on vous obligeait à mettre la CGT, CFDT, FO et tout ça ensemble dans une même structure avec un même nom et dire et faire les mêmes choses et avoir une représentation de tous les travailleurs en face de l'État. Voilà. C'est un peu ça qui s'est passé pour nous. Et donc, on est aussi là-dedans et on n'a que deux bras, dix doigts et on n'est pas assez nombreux pour répondre et bénévolement, à toutes ces évidemment. Choses. Voilà, bien sûr. Et bien souvent, comme dans toute organisation... On ne va pas dire bénévolement, on est indemnisé. On est indemnisé à l'équivalent de 4 C, c'est-à-dire 4 fois 23 euros de l'heure, quand on a des réunions, des choses avec ces gens-là. Mais bon, c'est une indemnisation, quoi. C'est une compensation, on va dire, par rapport à notre activité. Donc, faut souvent bénévole, j'aime bien appeler un chat un chat. Voilà. Indemnisé. Enfin, indemnisé, voilà, simplement. Alors, pour un petit peu par rapport à cela, vous avez réalisé, parce que les auditrices et les auditeurs se demandent toujours un petit peu, chirurgien dentiste, c'est une spécialité parce qu'il n'a pas pu être médecin. Alors, ce n'est pas ça du tout. Comment ça s'est passé, votre parcours professionnel, ça peut arriver parce des que études. Vous avez une, on appelle ça la PACES, le concours en médecine, qui est encore là. D'ailleurs, je ne sais pas si on en reparlera, mais c'est aussi une problématique par rapport à la répartition, au numerus clausus qui est la quantité on va en parler et non pas la sur répartition, notre deuxième partie et par rapport à l'Europe, où on a des PSOA et des universités, ou en Roumanie. Alors, si on revient sur le parcours. On a le PACES, on a un concours d'entrée. Comment on rentre ? Et puis sur ces résultats au concours d'entrée, on va dire, il y en a 100 qui sont pris, et bien sur ces 100 qui sont reçus, on aura 30 postes pour le dentaire. Je dis des chiffres n'importe quoi, hein. Mais on n'aura qu'une partie. Et donc cette partie-là va pouvoir aller en dentaire. Les autres qui voudraient faire chirurgien dentiste et qui ne sont pas sur les 30 de ces postes-là, eh ben, ils vont devoir redoubler et recommencer la PACES, le concours, pour être dentiste. Donc ce sont les 30 donc, meilleurs. Donc on peut imaginer... Alors ça dépend des années. Là, cette année, ces années, je ne sais pas vous dire, mais on a eu une période où c'était les moins bons qui allaient en dentaire, donc les queues de peloton. On a eu pas mal d'années où c'était les meilleurs. Et là, il semblerait que ça soit encore recherché et que ça soit parmi les meilleurs qui cherchent dentaire. Parce que on gagne des sous, il faut quand même dire ce qui est, la profession n'est pas malheureuse. Oui. Et donc, bien qu'on ait de plus en plus de contraintes et de choses, on gagne des sous, ça marche, on peut s'installer. C'est encore une des activités comme radiologue. Ça reste attractif. Ça reste encore. Attractif. Voilà, tout à fait. Mais alors donc, et c'est plus court que médecine, radiologue et tout, hein, puisqu'il y a des spécialités. C'est aussi attractif. Donc un étudiant, il va finir, je veux dire, ses études. 6 ans d'études. 6 ans d'études. Une fois qu'il a fait ses 6 années. L'entrée, c'est-à-dire que vous faites médecine comme tout médecin à la base. On fait une année de médecine comme tout médecin, puis après on va à la faculté dentaire qui est à côté de la maternité à Nancy. Ouais. Et il y a... Et donc là, c'est 6 années derrière. Je ne sais plus combien il y a de facs en France, mais il n'y en a pas énormément. Il y en a peut-être une vingtaine. Oui. Et donc vous avez des facultés dentaires en France qui drainent toutes les régions. C'est pour cette raison qu'il y a des étudiants qui partent à l'étranger. Alors, on reviendra sur dans la deuxième partie de l'émission. Hein. Je me fais un peu l'avocat du diable, ce qui est normal, docteur. Et donc c'est 6 années, et là il devient chirurgien dentiste. Voilà. C'est ça. Et il peut continuer. Maintenant on a un internat. Et puis il y a une seule spécialité chez nous, c'est l'orthopédie dentofaciale. Vous savez, ceux qui vous redressent les dents avec des tas de ferraille. De moins en moins, maintenant, il y a des choses ça en plastique évolué, et blanche. Ça a évolué. Oui. Et donc, les ça orthodontistes, ils ont une spécialisation encore en plus. On rajoute quelques années. Quoi. Alors, est-ce que quand ils sortent d'études, bon, il y a des stages qui sont faits en cabinet dentaire, je présume. Il y a un accompagnement, parce que moi, je défends beaucoup. Tout à fait. Pendant les études, alors les études dentaires sont très particulières parce qu'elles mélangent théorie et pratique. Oui. Et l'apprentissage, voilà. Dès la deuxième année, on dit sur les paillasses, donc sur table, et la deuxième année, donc après la première année de médecine, hein, je dis deuxième parce que c'est la première en dentaire, mais c'est la deuxième en tout. En tout. Première année de médecine, deuxième. Alors on les appelle autrement maintenant, et récemment ça a encore changé. Mais on reste à 1, 2, 3, c'est un peu plus simple, 4, 5, 6. Et donc dès la deuxième année en dentaire, à la fac, ben, vous grattez, vous coulez du plâtre, vous faites des choses. Voilà. Et tout le long de l'année, des études, c'est. On a moitié même plus de la moitié de pratique, etc. Donc, vous travaillez sur des gens, on va dire, à partir en faculté, à partir de la quatrième année. Alors, aussi a été décrié que, en faculté, c'est bien, mais c'est un peu la médecine au rabais. Vous avez déjà entendu certains noms. Au niveau, vous avez. Pas. C'est un peu au rabais dans le sens que vous avez aussi des patients qui viennent en université, qui viennent se faire soigner à la fac, ce serait de la médecine au rabais. Ouais. C'est ça la question. Oui. Ah non. Là, non. En revanche, comme vous êtes soigné par des étudiants qui sont drivés et pilotés par des assistants, des attachés et des professeurs, c'est plus long. Et puis ça dépend aussi, mais comme la qualité, vous savez, comme quand vous allez chez le boulanger, hein, ça dépasse, c'est la baguette, elle est pas la même partout. Donc quand vous allez chez le dentiste, ben, vous serez pas soigné pareil partout. Et on a les patients entre guillemets qu'on mérite, qui vont avec nous. Les matériaux utilisés, et tout ça, ce sont les dernières technologies. Oui. Ah oui, ça c'est. Alors là, il faut regarder. Alors, je peux vous dire que moi, j'ai fait mes études il y a une trentaine d'années. Et ben là, les étudiants travaillent presque comme dans un cabinet dentaire. Voilà. Ils ont du matériel avec des fouets, des choses, c'est fabuleux à regarder. Ah non, là ça s'est énormément amélioré. Il ne faut pas du tout croire qu'on n'est pas bien soigné à la fac. Ils ont tout ce qu'il faut et ils sont suivis par... Simplement c'est plus long. C'est plus long parce que les étudiants n'ont pas l'habitude, parce qu'il faut qu'ils soient contrôlés, etc. Voilà. Donc ensuite il y a l'apprentissage, je veux dire, enfin au cours du parcours universitaire. L'apprentissage se fait pendant la fac. Voilà, dedans, mais derrière. Et il y a des stages aussi hospitaliers pendant la fac. D'accord. Ils ont à la fin, ils ont 6 mois de, on appelle ça stage actif, c'est-à-dire qu'ils vont, non pas 6 mois, 3 mois, excusez-moi. Pendant 3 mois, ils vont chez un dentiste libéral. Voir un petit peu comment ça se passe. Pas voir, ils vont travailler. Oui, travailler. Sous contrôle du libéral. Voilà. Donc, et ils ont le droit de faire des remplacements. Alors, à mon époque, on avait le droit de faire des remplacements beaucoup plus tôt. Ça aussi, c'est les normes et la sécurité. Oui. Maintenant, on attend qu'ils soient formés davantage. On attend davantage qu'ils soient formés, pardon. Et ils ne vont pouvoir faire des remplacements qu'à la fin de la 5e année. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fin de 5e validé, je peux commencer à faire des remplacements. 6e année, je suis obligé d'aller chez un dentiste et c'est contrôlé, ça, c'est encadré. Le remplacement, il n'est pas encadré. En général, comment ça se passe ? Donc, il arrive. Mais quelle est la question ? Votre question, c'est surtout est-ce qu'ils vont, une fois qu'ils sortent de la fac, se former, etc., avant de s'installer ? Alors, c'est ça la continuité, question. Effectivement. Alors, il n'y a pas d'obligation du tout et ils font ce qu'ils veulent. Et la pratique montre que, contrairement aux médecins généralistes qui mettent, entre 4 ans et 6 ans avant de s'installer, ou pendant 4 ans ou 6 ans, ils font des remplacements. Oui. Nous, en dentaire, on s'installe en moyenne au bout de 2 ans, c'est installé. Donc il y a peu de temps de collaboration. Alors on fait pas des remplacements nous pendant ce temps-là après. On fait comment ça se passe étudiant. Autrement, c'est des collaborations. Et le plus souvent, ce sont des collaborations libérales. C'est-à-dire qu'on n'est pas salarié pour des raisons toutes compliquées, mais toutes simples à dire. C'est-à-dire que ce n'est pas rentable, quoi. Ça coûte trop cher. Ouais. Donc, on est libéral. C'est-à-dire qu'on prend tout de suite ses responsabilités. Mais en collaboration libérale, on ne travaille pas tout seul. Alors, ça répond peut-être à votre question. Oui, ça répond. C'est-à-dire qu'on ça se sécurise. Aussi, oui. Et on travaille toujours avec un vieux, une vieille, un senior, comme on dit. Et voilà. Et donc, on apprend un peu à être autonome et à plus trop avoir peur, etc. Et très souvent, les collaborations se continuent en association. Mais parfois, la collaboration, après, le dentiste ou la dentiste, elle va s'installer ailleurs, il va créer son cabinet. Alors, pour ce dont on a parlé tout à l'heure, à peu près 100 000 euros. Donc voilà un petit peu, c'est pour cette raison, c'est intéressant de voir un petit peu le parcours qui est mal connu, hein, parce qu'on s'imagine certaines choses. Là, au moins, on a des choses concrètes, réelles et qui se passent dans la vie de tous les jours. Une fois installé, donc, le praticien, est mis en place. Mais aujourd'hui, ne pensez-vous pas qu'on n'a pas assez de chirurgiens dentistes formés par rapport au vieillissement de la population en général, l'augmentation de la population, mais aussi vieillissement de la population des chirurgiens dentistes? Réponse non, tout de suite. Non, on en a assez. Alors ça, on en a assez, ça veut dire numerus clausus. Et il a augmenté en plus. Hein. Là, alors il y a toujours un effet retard. On est passé d'une cinquantaine d'étudiants par promotion à une centaine maintenant, plus même. Ça a doublé. Donc, ça, c'est prévu. Mais même maintenant, ce n'est pas un problème de quantité. C'est un problème de répartition. Et là, j'imagine qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est ce problème de la répartition qui ne va pas. Oui. Vous pouvez augmenter, en mettre deux fois plus. Oui. Ils n'iront pas davantage en rural. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les stimuler, pour les, eh bien, les inciter? Il faudrait parce mettre qu'il y a pas des assez de écoles. Boulot. Des écoles, des boulangers et une vie, en fait, en rural. Ah, c'est-à-dire oui. que là, et ça va être. Je pense que je vais m'y tenir tout le long, si je n'oublie pas. Je suis convaincu que la problématique des désertifications, qu'elles soient médicales ou autres, elles ne sont pas que médicales, elles sont sociales. C'est le problème de bassin de vie. Et alors, ce n'est pas une raison pour rien faire. Je vous rejoins, docteur. Et si vous me questionnez bien, vous aurez des réponses, parce qu'on fait des choses et on en a des réponses. Ouais. Mais ça se fait pas comme ça en claquant des doigts et rien n'est simple. Et c'est dû au fait qu'il n'y a personne. Donc quand il n'y a personne, eh ben, vous n'avez pas envie de mettre vos gosses et de vous mettre à une heure de route de là où vous habitez ou d'habiter dans un endroit où il n'y a rien du tout. Quoi. Alors ce que je vous propose, docteur, c'est qu'on fasse une courte pause musicale et après on va revenir et justement on va parler désertification médicale. Et après ceci. Si fort, c'était si beau. La philosophie de ton souffle entre les mots. La plume vole en cercle et fantaisante. Mes habits collent, faut que je m'inonde. Mais je ne sais plus où donner du crâne. Ça ne répond plus, j'attends la panne. Mais comment t'atteindre? Mais comment t'atteindre en sensuel? Toi qui me donnes des ailes, pourrais-je te rendre un jour éternel? Pour nous lier jusqu'au ciel. Mon trouble endommage. Y a-t-il un sens à ta venue? Ah, tu as non, moi non plus. Mais comment t'atteindre? Mais comment t'atteindre en sensuel? Toi qui me donnes des ailes, pourrais-je te rendre un jour? Pour nous lier jusqu'au ciel. Mais comment t'attends? sensuel. Toi qui me donnes des ailes. Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes de retour sur notre plateau de libre-échange. Et là, j'étais en pleine conversation avec le docteur Marc Aimé, qui a plein de choses à dire, parce que le secteur de dentaire est un secteur qui est, à mon goût, pas assez connu, qui est un secteur où on se dit, bah oui, c'est inaccessible, ce sont, je veux dire... C'est peu connu parce qu'il y en a, on n'en parle pas beaucoup dans la médecine. Et c'est vrai que c'est surtout la médecine, le risque, on n'a pas le risque vital, il faut quand même dire ce qui est. Et puis il y a aussi la désinformation, il faut le dire, voilà. Parce que bien souvent, on tape sur les dentistes en disant dépassements d'honoraires, les prix et pour les chiffres, pourquoi c'est pas connu implants. Dans les dépenses de l'assurance maladie, le dentaire, il fait 2%. Et il est passé c'est de 4, il est passé pour les soins, hein. Ouais. La maladie, hein, pas les indemnités journalières, non, etc. Non. Le soin dentaire, juste les soins, 2%. Et il est passé de 4 en 25 ans à 2%, il a diminué de moitié. Ce qui montre bien que la Sécu se désengage. Donc la santé dentaire en France, elle est parent pauvre. Voilà, elle est parent pauvre. On va par pas rapport dire à l'Europe, on va pas dire qu'elle est abandonnée. Par rapport à en Europe, quand on est au niveau du malade, du patient, on est bien loti. On a en France les tarifs des soins, et je parle des soins, pas de la prothèse, hein, c'est-à-dire plombage, détartrage, consultation, les moins chers d'Europe. Ce sont les plus bas d'Europe. Ah oui. De toute l'Europe. Ils ne viennent pas faire leurs soins chez nous. Alors, si justement, ce sont les patients les Belges, qui viennent d'Europe, Allemands, ils viennent, dans les frontaliers, ils viennent faire les soins en France. En France, bien d'accord. Sûr. Ah, et oui, ça se voit à ce niveau-là. Hein, voilà. Et au niveau de l'Europe, on a un autre souci en revanche, c'est qu'il y a une déréglementation de la profession et on a des fausses facultés, des fausses formations qui vous font mirobolez des tas de trucs. On a des compétences qui ne sont pas du tout reconnues. Disons qu'en France, je ne sais pas comment le dire. Il y a des faussaires. En France, on dirait. Il y a presque des faux et usages de faux. En France, quand vous allez chez un dentiste, vous savez à peu près, bon, il y en a qui sont plus ou moins gentils, plus ou moins rapides, plus ou moins doux. Enfin, bon, on voit chacun midi à sa porte, mais il y a l'être humain qui est toujours derrière. Mais on sait qu'on va avoir une compétence uniforme. Quand vous allez en Europe, vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. En Italie, en Espagne. En Espagne, c'est dramatique. En Espagne, il y a une déréglementation totale de formation, de pratique, etc. C'est-à-dire que ce que vous laissez sous-entendre, c'est que, exemple, l'Espagne ou dans certains pays, la formation, c'est une formation... Il n'y en a pas qu'une, justement. Je paye une formation. Il y en a plein, des formations. Un ensemble de formations. Ce n'est pas organisé, quoi, en fait. C'est désorganisé. Mais il y a du charlatanisme. Voilà, tout à fait. Bah, écoutez, moi, j'ai mes filles qui ont traversé les États-Unis cet été et elles m'ont envoyé des photos de nappes, comme vous avez sur Buffalo Grill ou autre, hein, des nappes de restaurants. En papier, et ben dessus il y a la véritable dentisterie et ils vous affichent des actes avec des prix. On fait ça vraiment bien, etc. J'ai l'impression quand je vois ça de retourner à l'époque foraine en France. Il y a autant presque du post Moyen Âge, quoi. Voilà. Oui, c'est quand même comme ça. Et c'est comme ça en Italie. Et c'est comme ça quand vous laissez l'ouverture à une organisation qui est commerciale et qui n'est pas de santé et de santé publique. Mais oui, mais aujourd'hui malheureusement la santé et en général, ça vient du commercial. Même en Allemagne, ils ont peur de ça. Même la intéresse aujourd'hui, qui certains AI vont dire, bah, écoutez, c'est rentable, on va peut-être favoriser ce type d'acteurs-là que d'autres. Donc ça tient aujourd'hui, regardez dans les établissements publics, moi je le vois, je le rencontre assez régulièrement, c'est que... Alors ça, je ne connais pas suffisamment sûrement, d'où mon silence. Mais pour le dentaire, ça existe, et cette histoire de favoriser certains actes rentables, alors je ne me suis pas caché, je vous ai dit, le rentable, c'est la prothèse pour le dentiste. Et le dentiste, il en a besoin parce qu'il travaille un tiers de son temps là-dessus pour générer deux tiers de son chiffre d'affaires. Vous rendez compte le décalage, c'est impensable, quoi. Et bon, même le haut dentiste, ça ne lui va plus, mais il peut pas faire autrement. Donc, il faudrait qu'il le dentiste est cher, mais il peut pas faire autrement. Il faut revoir ces dérives-là, elles sont utilisées par les centres low cost. Les centres low cost, ils soignent pas les gamins. Ils font pas faire les plombages et tout ça. Ils font des gros travaux. Et ils font. Alors, on les accuse. Faudrait avoir des preuves et tout, mais on a l'impression qu'ils font du surtraitement. C'est-à-dire qu'ils vous font faire. Vous avez un gros plombage, ils vont vous faire la couronne. Alors qu'on peut très bien laisser le plombage en place. On pourrait. Alors. Faudrait le vérifier, faudrait être sûr. Mais on soupçonne que ça a tendance à se passer comme ça. On le soupçonne d'autant plus que ce sont des entreprises qui sont là pour faire du rentable, qui emploient des dentistes et qui sont rebriefés. Tous les jours, on regarde qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait comme couronne, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, pourquoi ils ne l'ont pas fait, etc., etc. Et la pression est mise pour que tout se fasse dans ce sens-là. Alors, voilà, c'est le côté dérive rentabilité dont vous parliez peut-être qui se passe pour le dentaire. Parce que le dentaire prête le flanc à ça. Alors que il a des actes qui sont rentables, d'autres qui ne sont pas. Les soins opposables, ils font quand vous faites le serment à l'ordre des dentistes, c'est basé également sur le serment d'Hippocrate, c'est ça ? Le serment d'Hippocrate, il est bien plus large que ça. Il devrait normalement couper son manteau en deux. Alors on le fait, au niveau de la CMU complémentaire, on le fait, mais on est obligé de le faire. En Meurthe-et-Moselle, on avait, alors moi ça fait un peu plus de 20 ans que je fais du syndicalisme, et j'ai connu la carte santé 54, qui était une initiative du Conseil Général, qui mettait en place... sur la base du volontariat des chirurgiens-dentistes, eh bien, on avait chiffré qu'on avait une participation énorme, volontaire, des chirurgiens-dentistes. Mais cette couverture Carte Santé 54, avant la CMU complémentaire qui s'est installée en 2000, décembre de 1999, ça fait 13 ans, elle était inférieure, cette couverture, à la couverture CMU complémentaire. La CMU complémentaire en dentaire, c'est une exception dans le monde de la santé. On est les seuls à participer sur pratiquement tout ce qu'on fait. On appelle ça le panier de soins. Donc, tout ce que vous faites, vous avez droit... En CMU complémentaire, vous avez le droit, la loi vous y donne droit, à avoir une couronne blanche, céramique, jusqu'à la première prémolaire, donc après la canine, les crocs qu'il y a sur le côté. Donc c'est beaucoup, quoi. Ouais. Vous avez droit, et je passe, je veux pas rallonger technique, mais vous avez droit à plein de trucs. Et nous, le dentiste, il est obligé de... Il peut pas vous demander plus de... Alors c'est pas... C'est moins de... Il vous demande en gros moins de la moitié de ses honoraires qu'il demande habituellement. Ça va de un tiers à un peu plus de la moitié, mais les honoraires sont bridés, contraints, imposés. Mais personne qui a la CMU, parce que je rappelle qu'il y a 6 millions de personnes en France qui sont à la CMU, dont 4 millions sont recensés. Il y a 2 millions, on ne sait pas où ils sont. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'ils soignent ou pas, quoi, clairement. Donc par rapport à ça, est-ce que il y a un coût quand même pour la personne, puisque ce sont des défavorisés, c'est zéro. C'est pris en charge par la solidarité nationale, la collectivité. Oui. Et donc la solidarité nationale, vous et moi, on paye pour la CMU complémentaire. Il y a des cotisations là-dessus qui sont comme pour le chômage, comme pour tout le reste. Quoi. Voilà. Alors il y a certains médecins, justement, ça fait partie des questions aussi, qui refusent des personnes qui ont accès à la CMU. Est-ce que ça se passe aussi dans le dentaire ? Ça a été reproché, le refus de soins. Ils ont fait des enquêtes téléphoniques il y a quelques années de ça, il y a à peu près 5-6 ans, et on s'est aperçu que ça existe dans des zones où il y a pléthore, c'est-à-dire Paris, région parisienne, des endroits comme ça. Mais en réalité, en France, il n'y a quasiment pas de refus de soins. Alors, vous en trouverez toujours. Hein. Mais s'il y avait des refus de soins, il faut savoir que les gens, même si on a dit que c'est vrai qu'ils ne connaissent pas trop leurs droits, le parcours est compliqué, etc., mais vous allez à l'ordre, vous vous plaignez, et je vous garantis que ça remonte. Et je suis aussi membre ordinal, et je peux vous dire qu'on n'en a jamais vu remonter de ce type-là. Et on est très vigilant là-dessus, parce que, encore une fois, il n'y a pas de différence pour un dentiste à soigner quelqu'un qui a la CMU, quelqu'un qui n'y est pas. Sauf les deux niveaux, le premier dont je vous ai parlé, c'est-à-dire quand il y a, mais il n'y a pas toujours, de la prothèse à faire, on est imposé, on a la moitié des honoraires. Et l'autre élément, c'est que très souvent, et ça c'est culturel malheureusement, les gens qui sont à la CMU sont souvent des gens dans des situations difficiles, mises à la marge, et souvent ils loupent les rendez-vous, ils sont pas fiables, ils viennent pas comme il faut. Et ça, c'est infernal à gérer pour un chirurgien dentiste. Donc le dentiste, La CMU complémentaire, c'est pas sa tasse de thé parce que, mais moi, j'exerce en ville, j'en soigne pas mal. Et il y a de tout. Il y a des gens qui sont adorables, qui viennent, qui sont tout à fait aussi corrects, voire plus corrects que d'autres personnes. Et puis, il y a des gens qui sont, ils sont pas venus au rendez-vous précédent, ils viennent au suivant parce que vous en avez mis 2-3 d'avance pour le planning. Et puis, ils s'excusent même pas de pas être venus au précédent. C'est à vous de lui dire, quoi. Mais il y a de tout sur Terre. Qu'un chirurgien dentiste peut refuser un patient qui a raté un rendez-vous, qui est pas, parce que c'est une question qu'on nous pose. C'est une bonne question et qui fait polémique. Merci, c'est difficile d'y répondre. Il faut être clair dans la réponse et pas se faire mal comprendre. Oui, on a le droit de refuser, et non, on n'a pas le droit de refuser sur des critères ethniques, religion, CMU complémentaire, etc. Oui. C'est-à-dire, oui, je peux dire, moi, je vous prends pas, j'ai pas donné de raison. Vous allez à l'ordre, vous dites bah, « il n'a pas voulu me prendre, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et à l'ordre, à mon ordre de chirurgien dentiste, je vais dire bah, « écoutez, moi, c'est mon cousin, ou il m'a embêté, on s'est battu dans la rue avant, ou il... » Voilà. Et je donne une raison qui est une raison personnelle. Je ne le prends pas. Je peux aussi dire « écoutez, et ça, je n'ai pas besoin d'aller à l'ordre, je peux dire « écoutez, moi, je n'ai pas le temps de vous prendre, vous me demandez de vous prendre en urgence, je vous ai proposé ce matin à 10h, cet après-midi à 5h, vous ne pouvez pas... » Eh ben moi je peux pas vous prendre, et il y a des gens qui râlent aussi à tort, voilà. Oui, mais autrement on n'a pas le droit. Et puis il y a aussi un autre élément, alors là tout à fait médical, mais celui-là je l'évoquais même pas parce qu'il se présente quasiment jamais. J'ai une infection, je me présente chez le dentiste, il veut pas me prendre, alors par exemple il dit qu'il a pas le temps, etc. Eh ben si l'infection tourne mal, là je vais l'attaquer, c'est lui qui va être responsable. Mais ce genre de choses n'arrive quasiment jamais, c'est exceptionnel, parce que voilà, on prend toujours le temps de prendre des gens. Vous savez, les dentistes, ils ne s'arrêtent pas de travailler à 4h30, 5h. Hein. Oui, je sais que vous avez des plages d'horaires. Ils gagnent leur vie, il n'y a pas de problème, mais ils ont des plages horaires, ce n'est pas la sécu. Hein. Voilà. Mais il y en a même qui travaillent le samedi. Mais enfin bon, aussi, pas tous, parce qu'on va en venir, on va parler maintenant de désertification médicale. Ouais. Parce que c'est un sujet, comme vous le savez, docteur, que j'ai à cœur. Aujourd'hui, les populations sont de plus en plus vieillissantes, l'espérance de vie rallonge, il y a de plus en plus de populations. Hein. On le voit au dernier recensement. L'âge moyen des médecins généralistes, des médecins en France, c'est 52 ans, médecins généralistes, 53. Ouais. Et justement, où j'allais en venir, nos chers amis chirurgiens dentistes, la moyenne tourne autour de 50 ans. Ce qui signifie que d'ici 3 ans environ, il est estimé 30% de la population des chirurgiens dentistes qui partent à la retraite. Qu'allons-nous faire ? Première question. Alors, ça a été pris en compte dans des zones qui ont été mis en place par l'ARS et par les dentistes au niveau convention. Donc, je vous ai dit qu'on était conventionnés avec la Sécu et tout. Ils ont travaillé là-dessus en 2008, et ils ont sorti des éléments qui tiennent compte non pas uniquement et quasiment pas de la densité des dentistes, mais par exemple de l'âge des dentistes et des patients et des populations. Et ils ont fait des données pondérées, et ils sont arrivés à classer chaque région, plus de 20 régions en France, en 5 zones. Ça va de surdoté, c'est-à-dire il y a beaucoup trop de dentistes dans la zone par rapport à la population pour les soins dentaires qu'il y aurait à faire, et très sous-doté. Et ces zones très sous-dotées, ce sont celles-là qu'on appelle les déserts médicaux. Il y en a à peu près à la louche en France 10%. Seulement. Seulement. Seulement. Eh oui, je ne vous fais pas dire. Et donc, c'est comme moi qui suis meusien ou dans la Creuse, est-ce que ça s'en fait partie ? Oui, il y en a. Alors là, je n'ai pas les noms exacts tête, surtout en Meuse. En Lorraine, on a par exemple Jarny. Oui. En Meurthe-et-Moselle, en Meurthe-et-Moselle, j'ai relevé quelques noms et que j'ai retenu dans ma petite tête. Mais sinon, je ne peux pas vous les donner comme ça. Mais en Meuse, il y a beaucoup plus de zones désertifiées, très sous-dotées. Par exemple, en Franche-Comté, on a une vingtaine de zones très sous-dotées. En Lorraine, qui regroupe donc les 4 départements, on en a 8. Donc vous voyez, c'est très variable. En Bourgogne, il y en a 18. Il y a des endroits, en Alsace, on en a 2. Donc c'est très très variable toutes ces zones-là. Mais il y a quand même. Par rapport à ce que vous disiez, la retraite et tout ça, on a pris ça en compte. C'est-à-dire les dentistes qui vont arriver majoritairement en retraite, on les a appelés des ETP, des emplois à temps plein, pour savoir comment on allait jauger l'offre et la demande. Qu'est-ce que vous appelez un emploi à temps plein, ça veut dire quelqu'un qui est censé travailler 5 jours par semaine, 35 heures, c'est ça, sur une base de 35. Alors que le dentiste qui va être en retraite, qui a plus de 60 ans, nous, ça sera 65-67, je vous le rappelle. Oui. Donc, ceux qui ont 60 ans au moment de l'étude en 2008, alors c'est toujours pareil, il y a un effet il y a un décalage, on les a considérés comme des demi-temps plein, c'est-à-dire 0,5. D'accord. Voilà. Et donc, tout ça a pondéré. Et on a abouti à des zones très sous-dotées. Et ces zones très sous-dotées, on a mis en place deux... Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ça répond à votre question, j'espère. On met deux... Alors, il y a plusieurs volets de qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est un premier qu'est-ce qu'on fait. On appelle ça des contrats incitatifs. C'est-à-dire qu'on a... on voudrait essayer de faire aller les dentistes dans ces zones-là, très sous-dotées, où il y en a besoin. Il y en a besoin, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Des fois, il n'y en a qu'un. Mais des fois, il n'y en a pas. Et donc, il faudrait qu'il y aille. Il y va soit en créant son cabinet, on a dit à peu près 100 000 euros. Oui. Et puis, on a dit aussi, il faut que ça soit rentable. Il faut qu'il y ait de la prothèse à faire. Il ne faut pas que ça soit que des soins. Et puis, donc, il faut qu'il y ait des gens à soigner. Ah oui, mais les zones rurales sont, je veux dire, les populations vieillissantes sont les populations. Il n'y en a pas tant que ça. Elles ne peuvent pas trop se déplacer. Et donc, et ça voilà. pose problème chez et nous. Et on n'a pas la réponse. Manque de remboursement. C'est-à-dire que l'installation, elle, on n'a pas la réponse. Mais fort heureusement, il y a souvent dans ces zones très sous-dotées quand même un dentiste. Je vous informe, je ne vous rappelle pas, je vous informe que en moyenne en France, on a un dentiste à moins de 20 km d'un patient, d'un assuré social, en moyenne. Alors, en moyenne, oui, ce qu'elles sont. On sait que, je vais préciser la moyenne, à plus de 80 ou à 90%, c'est à moins de 10 km. Combien vous dites ? 90% des gens en France ont un dentiste à moins de 10 km. Oui, d'accord. Okay. Donc, voilà, avec la voiture, avec tout ça, il faut quand même relativiser. En plus, on ne gère pas la vie, l'urgence, le risque de mort. On ne gère pas non plus comme les médecins, on est quasiment que sur rendez-vous. Oui. Donc voilà, on a des séries de soins. Alors en revanche, on a des séries, il faudra se déplacer. Donc il faudra faire à chaque fois les 20 bornes ou les 15 km tout le temps. Hein. Alors est-ce qu'on manque effectivement. Alors je reviens à ma réponse. Oui. Le contrat incitatif, j'ai pas fini. Et donc le contrat incitatif, c'est deux éléments pour essayer qu'ils s'installent et qu'ils y restent. Qui s'installent, on donne, qui ont l'État. Pour l'État, le coup, c'est l'État, c'est l'ARS, c'est l'État. Ils donnent 15 000 euros. On s'engage à rester au moins 5 ans sur place. Ça s'appelle le contrat incitatif à l'installation, toujours dans ces zones très sous-dotées qui ont été classées. Et puis le deuxième contrat qu'on peut cumuler, on le met avec, c'est un contrat de maintien. Il dure 3 ans, mais il est renouvelable, lui. Et pour celui-là, on va payer... à la place du chirurgien-dentiste, ses obligations de paiement de cotisation auxiliaire, praticien auxiliaire médical, à l'assurance maladie, aux allocations familiales, et on va lui payer 5,4% de ce qu'il paye. Ça représente à peu près, ça dépend des chiffres, parce que c'est relativisé au chiffre d'affaires. Au chiffre d'affaires, mais on va dire à peu près 5 000 euros par an. Ah oui, c'est 5,4%. Hein, parce qu'on paye beaucoup aussi en cotisation sociale, évidemment. Hein, quand vous gagnez, vous payez. Donc on va faire les deux grandes mesures. 15 Donc ça, c'est les deux grosses mesures. Pendant 5 ans. Convention, État, qui font. S'il sauve avant 5 ans. Ah, s'il sauve avant 5 ans, il doit rembourser et il a des pénalités. On reviendra après, parce qu'il y a une autre mesure qui s'appelle contrat d'engagement de service public, qui là n'est pas destiné aux praticiens qui sortent de la fac, mais qui est destiné aux étudiants qui sont dans la fac. D'accord. C'est le deuxième volet. Mais donc, ce premier volet, vous avez 15 000 euros qui est une aide à l'installation. Plus 15 000 euros, on a dit 100 000, donc ça représente quasiment rien. En fait, en réalité, on craint fort au niveau de la profession. Ça peut être le répondant pour... Ça peut être un petit plus, quoi. Mais c'est pas ça qui va motiver vraiment le dentiste. Ça peut être une garantie vis-à-vis des banques. Il n'y en a quasiment pas besoin. Vous avez des prêts vous installez, qui sont... Ouais. Vous voyez, parce que c'est un peu comme le boulanger, quand vous installez comme il faut... Le dentiste, il est rentable hein, pour la banque. Pour l'instant, on ne voit pas, comme chez les avocats ou dans d'autres professions, des dentistes qui sont en faillite, etc. On n'en voit quasiment pas qui mettent la clé sous le paillasson parce que ça ne tourne pas. Alors, en revanche, on n'en voit pas parce qu'on n'en parle pas. Souvent, ils se transfèrent quand c'est comme ça. Oui. Ça ne marche plus à un endroit, ben, ils vont se salarier quelque part. Là, évidemment, on n'en parle pas. Mais parce ça commence aussi, un petit peu à exister. Mais il y en a très peu. Très peu. Alors, le deuxième volet que vous parliez, pour les étudiants, c'est lequel ? Alors, le deuxième volet, ça s'appelle CESP pour les intimes. Mais pour ceux qui ne sont pas intimes, on l'appelle contrat d'engagement de service public. En fait, on s'engage à bosser pour l'État parce que l'État nous a donné des sous. C'est un peu comme le principe d'une bourse pendant vos études, mais qu'en compensation de la bourse, ça existait dans l'enseignement, hein, en compensation de la bourse qu'on vous a donnée, vous donnez autant de temps que de temps qu'on vous a donné de sous. On vous donne 1200 euros par mois quand vous êtes étudiant. C'est quand même pas rien. Eh oui. 1200 euros par mois. Vous n'êtes pas obligé de tout bouffer. Hein. Vous avez le droit d'en mettre de côté pour vous installer. Vous installez, absolument. Mais souvent, il y a un gros côté social et tout. Et on a à la louche, hein, parce que je ne peux pas tout détailler, à peu près 3 postes, 3 CESP proposés par faculté dentaire. Eh bien, moi, je ne peux pas vous parler de tout le monde, mais j'ai assisté à une commission de sélection il n'y a pas longtemps sur Nancy, oui. La semaine dernière. Et pour 3 proposés, il y avait 10 dossiers qui étaient présentés. Sur les 10 dossiers, il y en a 7 seulement qui ont été retenus. Il y a eu plusieurs désistements. Mais vous, je ne sais pas si vous vous rendez compte, nous, dans la profession, ça nous a stupéfait parce qu'on se disait, mais ils ne sont pas malheureux quand même en dentaire, même les étudiants, ils ont tous des voitures. Hein. Ouais, moi, quand ouais. j'y étais, il y a 30 ans, le parc de voitures se dépassait, mais maintenant, ouais. ils n'ont même pas de passe pour se garer. Eh bien, si, il y en a. Parce que entre guillemets, c'est des pauvres de chez nous, c'est des gens qui ont. Il y a un rôle, il y a un côté social qui est très important, quoi. Mm-hmm. Et ben, 7 sur les 7 dossiers présentés, sur les 8 dossiers, pardon. 8. 7 retenus, 8 dossiers présentés. Donc 2 désistements, 10 au départ, 2 désistements, 8 étudiés, 7 retenus. Il y en a un qui ne correspondait pas dans la zone. Ils doivent aller dans les zones très sous-dotées. Donc, mais à ce moment-là, on est. Et on, ils ont les sous. D'accord, et après, mais les 7, ils ont été retenus. Ils ont été retenus éligibles. Éligibles. Et donc, mais après, il en fallait que 3. Oui, c'est ça. Alors, non, ils les auront parce qu'on a un décret, alors c'est tout récent aussi, au 1er décembre, d'accord. on a eu un décret qui nous a dit que les mêmes choses CESP qui sont proposées pour les médecins, pour les toubis, ils ne les prennent pas trop les toubis, eux. Les médecins n'en prennent pas beaucoup, donc il en reste pas utilisé. Donc il reste des sous pas utilisés. Principe de vaste communicant, eh ben, le 1er décembre, l'État a dit, on accepte de pouvoir donner ceux qui ne sont pas utilisés aux dentistes. Et donc on sait qu'on en aura pour tout le monde, tous ceux qui demandent. Donc les 7 auront et pourront aller. Voilà. Donc on aura, mais ça dure 6 ans les études. Hein. Donc oui. ce sont des 2e, 3e années. Dans 4, 5, 6 ans, suivant comme ils redoublent ou pas, hein, voilà, ils auront. Dans 5, 6 ans, on aura, au moins chez nous, en Lorraine. Donc, mais, alors c'est faux, pardon, c'est pas la Lorraine, c'est interrégion ça. Oui. Donc on en a 2 pour la Lorraine, 2 pour la Bourgogne, et je suis à 4 et 3 pour la Franche-Comté. D'accord. Voilà, qui iront s'installer dans les zones très sous-dotées de Bourgogne, de Lorraine et de Franche-Comté. Voilà. Alors, et donc derrière, par rapport à ça... Alors s'installer ou travailler avec un autre dentiste qui est là, hein, on n'est pas obligé de s'installer. S'installer, d'accord. Alors justement, on parle de désertification. Est-ce que vous, vous estimez qu'on manque effectivement ou on va manquer de dentistes? Ou il y a un problème alors, de répartition? Je vous ai répondu tout à l'heure non, en globalité pour le ouais. numerus clausus, c'est-à-dire la quantité. Là, c'est pas vrai, on n'en manque pas. En revanche, pour on la répartition, chercher à l'étranger. C'est cruel. Or, quand on va les chercher à l'étranger, et chez nous, c'est des roumains. Alors, en chiffres, on a un peu moins de 300 dentistes par an qui sortent de France oui. et à peu près autant qui rentrent de l'étranger en France. Alors, ceux qui rentrent de l'étranger, ils peuvent avoir des diplômes étrangers, mais ça peut être des Français. C'est-à-dire, je suis Français, j'ai raté mon concours en médecine, oui. je vais en Roumanie à Cluj-Napoca et je Notamment. Vais faire mes études de dentiste. Mais là-bas, je paye 6000 euros par an. Oui. Clair. Alors qu'en France, je ne paye pas quand même autant, même si des oui. fois les études sont chères. Et moi, j'ai rencontré là-bas. Ça peut c'est... aller jusqu'à 1000 euros, hein, le matériel en dentaire. Ouais, ça dépend ouais. des facs. Parce que ça dépend des sous qu'ont les facs des villes en local. C'est pas... Là aussi, c'est inégal. Bah, mais on ne peut pas gommer toutes les inégalités. Hein. Oui, voilà. puis... Il y a des grands, des petits, des gros, des faibles, des forts. Et des gens Alors qui justement, sont on parle de la faculté dentaire. Là, dernièrement, ça fait partie de l'actualité en France où il y a une faculté de médecine, et notamment dentaire, portugaise, qui s'est installée dans le Var. La fameuse PSOA. voilà. Qu'en pensez-vous? Alors, la PSOA, c'est une fac qui fait du faux et usage de faux parce qu'ils sont incapables de sortir des gens diplômés avec un diplôme valable en France. Ils n'ont même pas le diplôme reconnu. Alors, ils avaient, c'est maintenant, ils sont alors, peut-être débrouillés. Clairement. Comment? C'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie, mais ils sont attaqués par le ministère de l'Éducation. Je ne sais plus son nom, de la ministre, une dame, je n'ai plus son oui. nom en tête, qui les a attaqués à travers, via le procureur de la République, ouais. pour escroquerie. Voilà. Parce que, normalement, ils sont affiliés. Mais ça ne les empêche pas de rester. Ils se sont déplacés. Ils sont plus à... maintenant, ils sont sur Béziers. Oui. Et il serait question qu'ils aient une antenne en Andorre aussi. Voilà. Mais ils sont à Béziers. À partir du moment que c'est une université, moi, je me fais un peu toujours l'avocat du diable. Que c'est exactement université... ça dont je parlais en Espagne. Hein. C'est ouais. ce genre de truc faux et usage de faux. Voilà. Oui, mais si le diplôme, c'est un diplôme, je veux dire, ben, d'université ils peuvent rien en faire portugaise. En France. Parce ben, ils n'ont même pas le diplôme portugais. Hein. Alors, c'est le reproche qu'on s'est rendu compte de ça. Il y a une harmonisation au niveau des diplômes, au niveau européen. Alors ça, il faut rendre justice à la justice et à l'État. Cet été, oui. c'est pas plus vieux que cet été, ils ont imposé que partout en Europe, les diplômes à équivalence, parce que vous savez qu'il y a des diplômes qui sont reconnus, c'est-à-dire quand vous rentrez, vous n'avez même pas besoin de montrer patte blanche ou de faire quoi que ce soit. Oui. Vous dites j'ai un diplôme de tel pays, c'est reconnu. Voilà. Et Roumanie, elle en fait partie par exemple. Vous venez avec un diplôme de Roumanie, vous rentrez, vous dites je suis diplômé de Roumanie, vous avez le droit d'exercer, on vous met au tableau de l'ordre français avec le titre de docteur en chirurgie dentaire. C'est peut-être Alors, pas peut-être en chirurgie dentaire, mais je me permets de rebondir. 5000 heures. Ouais. 5000 heures, Effectif, 5 ans. 5000 heures, 5 ans. Obligatoire. D'accord. Partout en Europe. Mais ça date oui, seulement de cet été. Qui est une activité Donc, de 5000 heures. une formation de 5000 heures en 5 ans. D'accord. Parce que moi, je peux vous dire, en installant des médecins dans les professions généralistes et autres, qu'il y a le comité national de validation des diplômes, où on demande que les diplômes... Alors, vous parlez de la Roumanie notamment, où on a des médecins que le diplôme est obligé de passer par le comité national de validation. Il y a des diplômes qui ne sont pas reconnus. Mais en Italie. Et on a beaucoup de dentistes roumains. En Italie, par exemple. Bien sûr. En italien. Bien sûr. Parce que c'était avant 94. Oui, tout à fait. Alors l'Italie, elle connaît un peu moins que l'Espagne ce problème de déréglementation, et c'est pour ça qu'ils sont obligés de contrôler et de valider et de regarder. Mais ça serait bien qu'il y ait une bonne harmonisation. Les bonnes façons dont je vous parlais, bien sûr. Mais je vous dis, cet été, ils ont commencé à mettre la main à la pâte et ils ont dit 5000 heures, 5 ans. Bon, c'est un bon début. Ouais. Mais après, il faut voir comment c'est appliqué. Ouais. C'est tout, il faut vérifier. Dans les 300 qui rentrent chaque année, les dentistes étrangers, on en a 50% de Roumains. Oui. Chez nous, les dentistes. Hein. Donc c'est énorme. Eh bien, ces dentistes-là roumains, on sait qu'en France, ils ne vont pas majoritairement dans les zones rurales, désertifiées, etc. Alors justement, donc ça ne compensera pas non plus le problème de répartition démographique. Il faut mettre en place un certain statut, les obligeant à venir dans une zone désertifiée. Voilà. Mais on pourra en venir à des problèmes de conventionnement régulé, c'est-à-dire que le conventionnement sera sélectif. La Sécu dira, moi je ne vous conventionne pas, et je vous conventionne que si vous allez en zone déserte ou en telle zone. Là, je ne conventionne plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire pas conventionner ? Qu'est-ce que ça veut dire pas conventionner ? Ça veut dire que la consulte, au lieu qu'elle soit à 23 euros, elle est remboursée à moins d'un euro. D'accord. Donc, ça veut dire zéro. Clair. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, on a... Alors, les dentistes qui ne sont pas conventionnés, c'est des nœuds papillons. Voilà, c'est le docteur. Vous arrivez et ils soignent des gens. Ils n'ont pas besoin d'argent, hein, en fait. Voilà. Et il y en a moins de 3% en France. En général, ils sont professeurs. Il faut bien des magasins Hermès et des magasins Tati et des magasins ordinaires. Il y a de tout sur Terre. Au passage, et alors pour en venir justement à ces problématiques de désertification médicale, on parle de répartition. De répartition, notamment par exemple dans les autres professions de l'ordre des médecins. J'ai pu faire une étude que j'ai rendue publique par mon livre Zone rurale à votre santé, où on est effectivement... il faut parler en temps de travail, on manque de 11 000 médecins, où on dit, oui mais attends, ils vont tous en zone littorale, mais on manque de médecins en zone littorale aussi, il y a des déficits, c'est vrai qu'il y a une concentration plus importante. Est-ce que c'est le cas quand je dis qu'on manque pas parce qu'il y en a suffisamment en quantité, il faut pas que je sois mal interprété et compris. Par exemple, dans le nord du département de Meurthe-et-Moselle, qui est en col de Cygne, du côté de Longwy, etc., bassin de Longwy, on manque pas de dentistes, il y en a. Mais seulement si je veux me faire soigner chez le dentiste, j'ai l'impression qu'il en manque, parce que j'arrive pas à avoir un rendez-vous, ils sont blindés à 4 mois, ils arrivent pas à partir en vacances, ils arrivent pas à avoir des remplaçants parce qu'ils veulent pas non plus aller tout en haut dans des zones qui sont pas agréables à vivre, etc. Enfin, pour eux, pour l'étudiant qui est en dentaire et celui qui sort pour faire des remplacements. Donc, il y a un vrai problème, même s'il y a une quantité de gens. Et même à la limite, si on n'est pas dans un désert médical, on n'y est pas du côté de Longwy, il y a des problèmes pour aller se faire soigner chez le dentiste. Ça, c'est vrai. Il y a un vrai problème de file d'attente. On n'en est pas comme chez l'ophtalmo. Ah oui, parce que l'ophtalmo... Faut pas exagérer. Il y a des problèmes par endroit, c'est vrai. En Meuse, il y a pas beaucoup de chirurgiens dentistes. Eh ben, c'est long pour avoir des rendez-vous. Et quand vous avez des séries de soins, vous avez intérêt à l'accrocher et pas louper vos rendez-vous pour aller jusqu'au bout. C'est vrai. Eh oui. Alors, docteur, nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Vous voyez, une heure, ça passe vite. Très vite. Je vous invite à revenir à une prochaine émission. On pourra parler justement des soins. Je ferai tout mon possible pour le faire. Merci de votre plaisir. De vous être rendu disponible. Ça a été très agréable de pouvoir échanger justement sur ce sujet, en espérant que le système de santé en France puisse répondre aux attentes de nos populations. Vous voyez qu'on s'y met aussi. On essaie tous. Bonne chose. Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année. On arrive sur Noël et on se retrouve mercredi prochain avec une autre émission de Libre-Échange. Et là, on parlera de la Renaissance, de Léonard de Vinci et de la santé, ce qu'il a pu apporter. Merci à vous. À très bientôt. Libre-Échange, Sylvain Blondin.